Chapitre 10e. Un grand remue-ménage avait lieu pendant ce temps chez Madame Lagarde. Endormie sur sa chaise, elle ne s'était pas aperçue du départ de l'enfant. Mais au bout de 5 minutes, le froid qui venait par la porte mal fermée l'avait réveillée, et après avoir supprimé la cause de cet accident désagréable, elle s'était mise à chercher l'enfant autour d'elle. Ne la voyant pas, elle s'était figurée que Mélanie l'avait emmenée et elle n'y avait plus pensé. Un quart d'heure après, Mélanie entra seule. « Où est la petite ?» fut la question que les deux femmes échangèrent au même instant. La scène qui s'ensuivit ne peut guère se décrire. Ces deux vieilles femmes, dont la vie n'était jamais troublée par aucun incident, perdirent complètement la tête et se livrèrent à toutes les suppositions les plus insensées. Le plus simple eût été d'aller s'informer chez les voisins, si l'on n'avait pas vu l'enfant. On y songea qu'après avoir épuisé les probabilités d'une longue liste de crimes et de malheurs également invraisemblables. Quand on s'y résolut, on n'apprit rien, le temps abominable retenait chacun chez soi et personne n'avait vu l'enfant. Au moment où Mélanie rentrait et pleurait pour s'entendre dire « C'est ta faute, tu n'as jamais aimé cette petite et tu es responsable du malheur qui lui est arrivé. » La voix d'Angèle répondit doucement « Me voici, grand-mère. » Comme on pouvait s'y attendre, le résultat du soulagement inexprimable des deux femmes fut une avalanche de reproches sur les deux petites filles qui se tenaient muettes et la tête baissée, n'ayant pas conscience d'en avoir tant mérité. Quand ce fut fini, Marianne se retira discrètement, mais le cœur gros, en jetant un regard de regret sur sa petite amie. « Tu ne m'aimes donc pas ?» dit Madame Lagarde en foudroyant Angèle de ses yeux irrités. « Si, grand-mère, je vous aime bien, mais j'aime bien aussi Marianne. » fut tout ce que la vieille femme put obtenir en fait d'excuses. Tout se pardonne cependant, mais on mit un verrou à la porte et il s'écoula bien du temps avant qu'Angèle pût retourner chez son amie. Cette nuit-là, un grand bateau à vapeur qui revenait de New York dans la nuit épaisse sous la neige et le givre fut abordé par un autre navire resté inconnu. Après la première minute de confusion, chacun se tâta et s'aperçut qu'il n'avait rien. Le capitaine seul, muet suivant son habitude, semblait préoccupé et s'enferma dans sa cabine. Il remonta au bout de quelques minutes avec une petite caisse hermétiquement fermée qu'il jeta par-dessus bord à un moment où on ne le voyait pas. Peu de temps après, un matelot, la figure défaite, vint lui dire quelques mots à l'oreille. En même temps, un singulier mouvement d'oscillation se faisait sentir à bord. La machine marchait toujours néanmoins, mais le navire avançait sous l'averse de givre. Des cris perçants se firent entendre tout à coup, et tous les passagers se précipitèrent sur le pont dans une mêlée effroyable. « Capitaine, nous coulons » s'écriait-on de toutes parts. « Je n'y peux rien, » dit le capitaine. « Il faut mettre les canots à la mer. »« Ils y sont, » répondit-il, « embarqués en bon ordre. » Il y avait place dans les canots pour une 60aine de personnes, et les passagers étaient au nombre de 150. Le tumulte et le désordre commencèrent l'œuvre d'extermination. Le navire inconnu avait continué sa route et, dans l'obscurité, depuis longtemps, on ne voyait plus ses feux. Georges Lagarde s'approcha du capitaine qui, debout sur la passerelle, dirigeait l'embarquement autant que c'était possible au milieu de gens qui avaient perdu la tête. « Nous sommes perdus, n'est-ce pas » dit-il. Il reçut pour réponse un grognement qui devait signifier « Oui ». « Cela aussi bien que nous autres ?» continua Lagarde en indiquant les embarcations trop pleines qui cherchaient à s'éloigner du navire. Un second grognement fut la réponse. « Allons, » soupira Georges Lagarde, « c'est fini. Au moins j'ai pourvu à l'avenir de ma pauvre petite fille. Dieu veuille seulement qu'elle ne rencontre jamais sa mère. De tous les malheurs, celui-là serait le pire. » La machine ne marchait plus, car les fourneaux étaient éteints par l'eau qui montait toujours. Au milieu de la tempête, dans l'effroyable roulis, ceux qui étaient restés à bord s'efforçaient de chercher des moyens de sauvetage. Mais c'étaient les hommes, et ils ne faisaient pas grand bruit. Quelques mouvements plus violents que les autres annoncèrent que le navire allait sombrer. Les hommes présents se jetèrent à la mer. Le capitaine était resté sur la passerelle. À la lueur du fanal qui oscillait attaché au grand mât, il vit Georges Lagarde près de lui. « Vous êtes un brave, vous, » lui dit-il en lui tendant la main. « On fait ce qu'on peut, » répondit Lagarde avec un faible sourire. Ils ne prononcèrent plus une parole, ni l'un ni l'autre, jusqu'au moment où le navire se coucha complètement sur le côté, et où ils furent trempés dans la mer et violemment jetés l'un contre l'autre, puis une grande vague passa, enlevant tout. Angèle n'avait plus de père. Jamais Madame Lagarde ne reçut de lettre de son fils.